Quatrième partie, chapitre 8 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Quatrième partie, chapitre 8, qu'il faut résister aux mauvaises tentations. Quoi qu'il faille combattre les grandes tentations avec un courage invincible et que la victoire nous en soit extrêmement utile, il y a peut-être plus d'utilité à combattre les petites, dont la victoire peut égaler par leur grand nombre tout l'avantage de ceux qui ont soutenu heureusement de grandes tentations. Les loups et les ours sont assurément plus à craindre que les mouches. Les mouches sont pourtant plus importunes et exercent davantage notre patience. Il est aisé de s'abstenir d'un meurtre, mais il est difficile de réprimer les petites colères dont les occasions se présentent à tout moment. Il est facile à un homme ou à une femme de ne pas commettre d'adultère, mais il n'est pas également facile de conserver la pureté des yeux, de ne rien dire ou de ne rien entendre avec plaisir de tout ce qu'on appelle cajolerie, de ne pas donner ou de ne pas recevoir de l'amour, ni de menues faveurs d'amitié. Ce n'est pas une chose difficile que de ne point donner visiblement et extérieurement un rival à un mari ou une rivale à une femme, mais il est assez difficile de ne lui en point donner au fond du cœur. Il est bien aisé de ne point dérober le bien d'autrui, mais malaisé de ne pas le mugueter ou convoiter. Bien aisé de ne point porter de faux témoignages en jugement, mais malaisé de ne point mentir en conversation. Bien aisé de ne point s'enivrer, mais malaisé d'être sobre. Bien aisé de ne point désirer la mort d'autrui, mais malaisé de ne point désirer son incommodité. Bien aisé de ne le point diffamer, mais malaisé de ne le point mépriser. Enfin, ces petites tentations de colère, de soupçon, de jalousie, d'envie, d'amitié folle et vaine, de duplicité, de vanité, d'afféterie, d'artifice, de pensée sensuelle, tout cela, dis-je, fait même l'exercice continuel de ceux qui sont les plus dévots et les plus déterminés à bien vivre. C'est pourquoi, Philothée, attendant que nous combattions généreusement les grandes tentations, si elles nous viennent, il faut nous préparer avec soin à tous ces petits combats, persuadés que les victoires que nous y remporterons sur nos ennemis ajouteront autant de pierres précieuses à la couronne que Dieu nous prépare en son paradis. Fin du chapitre 8, quatrième partie.